Une heure avec Thibaut Bazin et le Pergui. Comme chaque troisième mardi du mois, une heure avec. Mardi, non. En vérité, nous enregistrons, un député a tout de même quelques contraintes, eh ben, nous enregistrons la veille, mais nous sommes dans les conditions du direct. Une heure avec, ils, elles sont mes invités, vos invités, chaque troisième mardi, de 19h à 20h sur les ondes de FAZ. Mon invité fait parfois la une des journaux. Ou bien, il lui arrive d'être complètement inconnu du grand public, mais tous les invités sont des personnes engagées, un peu ou beaucoup, dans la vie politique et sociale de notre région, à droite, au centre, à gauche ou autrement. Chaque fois, mon invité a des convictions humaines que je lui demande de partager, des convictions religieuses, des convictions politiques. Mais tous mes invités n'ont pas les mêmes convictions dans tous ces domaines, loin s'en faut. Et aussi différents qu'ils puissent être, ils ont pourtant un point commun. En cette période qui a été marquée dans notre pays par des élections présidentielles et législatives, ils ont accepté de passer une heure avec moi, le Pergui, mais aussi avec vous, en particulier vous qui êtes jeune et qui désirez participer avec moi à ce rendez-vous passionnant. Et dans le studio, il y a Aymeric. Merci à lui, il aura la parole en fin d'émission. Et c'est Yves qui réalise notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thibaut Bazin, comment est-ce que vous aimez être présenté ? On est mauvais présentateur de soi-même, mais je suis un élu qui essaye de se donner et qui essaye de reconquérir la foi dans la manière de s'engager en politique. Beaucoup n'y croient plus. Et moi, si j'avais un résultat à la fin de mon mandat, c'est qu'il y ait quelques personnes au moins qui y croient davantage à la fin de mon mandat. Votre mandat, c'est d'être député. Mon mandat, c'est d'être député. Alors, porter la voix de ceux qui ont l'impression que ça va être difficile, que leur voix compte à Paris, mais aussi d'être utile au quotidien sur le territoire. Dans quel coin vous êtes ? Alors moi, je suis sur la métropole de Nancy. Je suis député de Tomblaine, la Neuville-devant-Nancy, Ars-sur-Meurthe, Fléville-devant-Nancy. Je suis député de tout le secteur de Saint-Nicolas-de-Port, Dombasle-sur-Meurthe, Varangéville. Et tout l'arrondissement de Lunéville. J'ai 190 communes. C'est la plus grande circonscription de Meurthe-et-Moselle. 131 000 habitants. Et alors, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on dit, c'est que vous êtes député d'un coin et en même temps vous êtes député de la France ? On est député de la nation. On nous appelle député de Meurthe-et-Moselle, mais on est député de la nation. Quand on vote à l'Assemblée nationale, on doit exprimer la représentation nationale au sens large. Et d'ailleurs, on doit se préoccuper de tous les territoires de France et ça, j'y tiens beaucoup. Alors, on y reviendra. Sauf si c'est indiscret et à chaque fois, vous me faites un grand sourire et ça s'entend l'antenne. Vous arrêterez mes indiscrétions. Vous avez quel âge ? J'ai 33 ans, l'âge du Christ. Oui. Et j'espère ne pas mourir cette année. Et ça fait... on va reprendre, nos auditeurs ont l'habitude, les 10 premières années de votre vie, votre famille, le terreau qui vous a vu naître. Qu'est-ce qui vous a façonné ? Quelle est cette terre qui vous a pétri ? Quels sont les gens qui vous ont marqué dans les 10 premières années de votre vie ? Mes parents. Là, je dois beaucoup à ma famille. Je suis l'aîné de 5 enfants. J'ai deux petits frères, deux petites sœurs. Des petits frères qui sont plus grands que moi en taille aujourd'hui. Et des petites sœurs. Et je crois que la manière dont j'ai grandi à Rosières-aux-Salines, faire l'école maternelle, l'école primaire, d'être présent dans les associations sportives, culturelles, la catéchèse, tout ce que j'ai pu recevoir. Comme gamin. Comme gamin, m'a beaucoup aidé. Et si j'ai bien une volonté aujourd'hui, c'est de beaucoup donner. Parce que je suis persuadé qu'il y a plus de joie à se donner qu'à recevoir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des... Allez, dans les 10 premières années de votre vie, l'un ou l'autre événement, quand vous repassez rapidement l'ensemble, l'un ou l'autre événement, allez, ou pas anecdotique, mais avec une anecdote qui manifeste, qui vous a marqué, ce qui vous a touché. Je vais vous faire une confidence. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai vu les premières élections on nous avait tout expliqué pour les délégués de classe et je voyais souvent des adjoints au maire venir s'occuper des travaux dans l'école, venir au stade de foot, s'assurer que tout allait bien dans les vestiaires et sur le terrain. Et je m'étais dit, plus tard, je veux être maire de ma commune. J'avais 8 ans. Et bon, au collège, quand je continuais à raconter ça, on se moquait de moi, donc j'ai arrêté de le dire. Mais je le gardais au plus profond de moi. Je disais avoir des responsabilités locales. Les professeurs me disaient que ça ne voulait rien dire, mais j'ai gardé cet appel. Pour moi, c'était une vocation. Est-ce que vous avez été dans les 10 premières années, je reste un moment, hein, dans ces 10 premières années de votre vie, est-ce qu'il y a des engagements, des personnes qui vous ont marqué d'une manière ou d'une autre, engagées dans un domaine ou un autre, des gens dans votre famille, à Rosière-Rosaline ou ailleurs, des gens qui vous ont marqué? Oui, je pense que j'ai été très marqué par tout d'abord mes parents qui étaient à la fois engagés professionnellement, tous les deux travaillaient, et en même temps avaient une famille nombreuse, on était 5 enfants en moins de 10 ans. Ma maman qui a même été travailler à Reims à certains moments, je voyais mon papa qui s'occupait de nous tous les 5, deux jours par semaine, et qui en même temps était engagée ailleurs. Je vois ma maman, elle était engagée dans la paroisse, elle était engagée sur un certain nombre d'autres activités, et j'ai eu, je pense qu'on... Les pommes tombent rarement en dessous, ailleurs qu'en dehors du pommier. C'est que ce goût de l'engagement professionnel, familial et ailleurs, je l'ai eu dès le plus jeune âge. Et j'ai toujours été marqué notamment par ces bénévoles associatifs. Moi, je vois mon entraîneur de foot, Paul, qui me disait que je rentrais la tête quand on faisait les têtes. C'était marquant. Mon curé, quand j'ai préparé ma première communion, je ne sais plus si on dit comme ça aujourd'hui, mais voilà, et qui m'avait confié des responsabilités. J'étais responsable du petit groupe d'enfants de cœur. Et dans ces petites responsabilités, il m'avait aussi confié de m'occuper des enfants pendant les homilies qui sont un peu longues. Les homilies, c'est les sermons, c'est quand le prêtre parle après l'évangile. Voilà, ça c'était un peu long, donc je m'occupais des plus jeunes. Et c'est vrai que de se voir confier des responsabilités comme ça, ça a toujours été pour moi une belle école. Et alors, on fait un saut et vous voilà arrivé au collège et vous voilà pré-ado et ado. Allez, c'est 10-20 ans, les événements et les gens qui vous ont marqué. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais devenir plus tard. Ça m'a beaucoup angoissé à certains moments. J'avais à la fois ce goût de l'engagement et en même temps, j'avais pas envie de perdre mon âme. Et un vrai paradoxe. Parce que j'avais ce désir de m'engager en politique et en même temps ça me semblait très noir, très incompatible avec cette soif d'éternité, voilà, de faire le bien et puis ça se rétrécissait et je cherchais voilà des fenêtres pour me dire mais c'est possible, l'idéal est possible. Et ça a été vraiment un long chemin et il y a certains moments où ça a été pas facile parce que un peu même angoissant de se dire mais finalement ce à quoi j'aspire, ce dont je rêve, c'est peut-être incompatible avec avec le bonheur que je souhaite, la compatibilité par exemple avec une vie de famille, avec un engagement. Et je m'étais juré par exemple de jamais m'engager à Paris en politique parce qu'on allait y perdre son âme et donc ce qui fait que je me suis engagé. La première fois que j'ai eu l'âge pour me devenir maire, je me suis présenté aux élections. Alors on va arriver à maire, mais si j'arrive à bien suivre ce que vous partagez, merci, c'est la première fois, c'est 8 ans, quand vous vous êtes dit, ça y est, je serai maire de ma commune. C'est la première fois où le rêve arrive? En tout cas, je trouve le sens de l'engagement et du sens que je veux donner de ma vie. Pour moi, c'est un... Voilà, il y en a, ils rêvent de devenir pompier, d'autres policiers, d'autres prêtres. Moi, c'était de m'engager au service des autres, sous la forme politique, il y a plein de formes dans et quelle est la première fois, alors je reviens même dans les 10 premières années, ou dans 10-20 ans, allez, donc on prend les 20 premières années, quelle est la première fois où vous avez pris un engagement? D'une manière ou d'une autre, vous êtes engagé pour d'autres, au service d'autres. J'ai été délégué de classe, dès le primaire, et en 6e, 5e, et au fur et à mesure des années, j'ai été délégué de classe, il me semble en 3e aussi, et j'ai essayé de me battre pour des causes, d'être utile. J'ai même réussi à modifier les horaires contre l'avis du directeur à l'époque, et j'ai fait un sondage auprès de 700 élèves, même le corps enseignant, et j'aurais dit, mais vous refusez, faisons au moins une expérimentation de 15 jours. J'avais même contacté la régulation du trafic à Nancy, et j'avais obtenu le nombre de voitures à chaque feu, et toutes les 5 minutes, et j'avais fait des tableaux Excel, en 3e, et j'ai réussi à les convaincre qu'on essaye pendant 2 semaines, et ça permettait à des collégiens de prendre un train 40 minutes plus tard si on décalait de 5 minutes. Et au final, aujourd'hui, les horaires sont toujours ceux qu'on a réussi à bouger quand j'étais en 3e. Alors, il y a un moment, quand vous racontez cette anecdote des horaires, j'ai réussi et on a réussi. Vous étiez tout seul ou c'était une équipe ? C'était une équipe. Alors seul, racontez un peu. Seul, on ne peut rien. C'est-à-dire, au début, on a l'idée, on la soumet. C'est Thibaut qui l'a eu. Oui, mais on n'a pas le monopole des bonnes idées. Je la soumets, première résistance. Puis j'ai des professeurs, des employés du collège, d'autres élèves qui me disent « Mais c'est une bonne idée. Tiens bon, insiste. » Et là, je cherche de la méthode et de pouvoir prouver en quoi ça pourrait avoir de bons effets. Et on vérifie, on étudie. Et il y a toute cette et phase. Et le « on », c'est qui ?« On », le « on », c'est avec les autres, tous ceux qui veulent. Donc et je... vous étiez, c'était une équipe ? C'était qui, c'était là, une équipe. J'ai contacté tous les autres délégués de classe qui voulaient bien être dans la partie, les autres professeurs qui pouvaient être aussi intéressés. Vous étiez combien ? Pour ce sondage, pour ce questionnaire posé à 700 élèves des et professeurs. Des dizaines. Des dizaines. Ouais. Et au final, on a réussi à convaincre. Et ça, c'est la première victoire politique. Non, je ne sais pas si elle est politique. Citoyenne, avec en tout cas. D'accord. Et, est-ce qu'il y a, genre, là, il est 20 premières années, est-ce qu'il y a déjà, là aussi, vous avez parlé de vos parents. Je revois votre maman partant en Reims. Hein, et l'engagement familial, l'engagement de votre papa qui reste à la maison pour vous cinq, moins de 10 ans. Donc j'entends tout cela. Hors de cela, du côté professeur, du côté personne que vous voyez à la télévision ou d'une manière ou d'une autre, engagé d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il y a des gens que vous avez admirés ? Alors je vais vous faire un autre aveu, c'est qu'il y a une prise d'otage dans une fameuse école à Neuilly et je suis devant la télé. Quand elle se passe. Et je me suis dit, mais ce maire de Neuilly qui vient dans l'école discuter pour sauver les enfants qui étaient victimes de la prise d'otage, je me suis dit, j'aimerais être utile comme ça plus tard. Et ce monsieur est devenu président de la République en Nicolas 2007. Nicolas Sarkozy. Voilà. Et ça m'a profondément marqué. Et mon affection d'enfant vient de là. Si vous aviez quel âge, hein, la prise d'otage ? Et je devais avoir moins de 10 ans, 9 ans. Et du côté des profs ou du côté de la vie associative, il y a eu des gens qui vous ont marqué, il y a eu des engagements, notamment des gens engagés qui vous ont marqué. Ceux qui n'ont pas eu peur de mon âge et qui m'ont fait confiance. Et par exemple, quand j'ai voulu monter une section judo dans mon lycée, j'ai même eu des profs qui ont mis le kimono pour aller s'entraîner et c'est moi qui donnais le cours, c'était rigolo. Ou des engagements, j'ai fait mon BAFA et j'ai encadré des camps bibleski, c'était rigolo. Or, les jeunes venaient surtout pour le ski. Hein. Et des activités nautiques aussi dans les gorges du Verdon, c'était vraiment génial. Il y a des personnes qui m'ont fait confiance. Et à travers cette confiance, j'ai cru davantage en moi et j'ai pu m'épanouir. Et sans cette confiance, ça n'aurait pas été facile. Vous pouvez raconter l'une ou l'autre personne qui vous a fait confiance ? Donnez-nous à voir. À la radio, on voit les visages quand les gens nous racontent. Racontez une personne, donnez chair à une personne qui vous a fait confiance. Des professeurs principaux, des professeurs de sport, les curés de ma paroisse, je vois aussi un oncle qui tenait un magasin de sport et qui m'a pris chez lui pour travailler pendant quelques jours. Voilà, c'est tous ces petits engagements de la vie courante qui font que la vie est vécue et elle est passionnante. Et à ce moment-là, vous voilà arrivé à 20 ans, ou autour des 20 ans. Après le bac, qu'est-ce qui s'est passé ? Après le bac... Le bac a été dur à obtenir ? Ça a été. Très stressant, mais au final... ça. Parce qu'on est le premier jour. Oui, d'ailleurs, on enregistre l'émission et demain... Et demain sera mardi. Aujourd'hui, il passe la philo et ça s'enchaîne toute la semaine. D'ailleurs, je pense à tous les bacheliers qui sont en train de nous écouteront ce mardi soir. Puis le podcast marche. En tout cas, je leur souhaite pleine réussite. Parce que c'est une belle étape de pouvoir passer le bac. Mais c'est qu'un commencement pour la suite. Et moi, j'en garde un très bon souvenir, in fine, il ne faut pas le dire, mais j'ai fait une bataille d'eau, c'était à point K pendant la pause de midi. Quand j'y repense, je me dis que ce n'était pas très sérieux quand même. Et alors, l'idée, après le bac, la suite, ça s'est passé comment ? Quelles sont les décisions que vous avez prises, y compris pour votre avenir professionnel ? J'étais inquiet de ne pas pouvoir de réaliser le rêve que je voulais, de pouvoir me donner dans la politique, mais au sens... comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Donc, j'avais candidaté pour des instituts d'études politiques. Et puis on attend les réponses, donc c'est pas toujours évident. J'avais fait une préparation d'été. Et puis à l'époque, ça se passait à la fin de l'été. Puis j'ai commencé une prépa littéraire à Paris en attendant les résultats. Puis j'ai été pris à Strasbourg et j'étais ravi. Donc j'ai commencé. Et au fur et à mesure des années, l'angoisse que ça soit impossible de réaliser le bien en faisant de la politique a grandi aussi. Et je me suis dit peut-être finalement, c'est pas pour moi. J'ai une hypersensibilité, je suis pas fait pour ça. Parce que trop sensible ? Peut-être, à certains moments. Mais ça se travaille. Et j'ai fui finalement mon rêve. Et j'ai choisi en quatrième année économie et entreprise. Très loin de la politique. Mais je conservais l'idée de faire de la politique puisque j'ai fait un mémoire de fin d'études sur la nature du lien entre les peuples européens. Et s'il n'est pas économique, quel est-il ? Et alors ça a été en même temps que l'engagement politique à Rosières-Rosselines qui vous a fait être le plus jeune maire de France ? Pas encore. De commune de plus de 500 habitants ? Pas encore. J'ai décidé vraiment que j'allais me présenter quand j'ai été diplômé de l'Institut d'études politiques. C'était 2 ans avant les élections. Et la suite de vos études, puisque vous avez fait une grande école de commerce, si oui. ma mémoire est bonne, oui. l'ESSEC, à Paris. Oui. Et donc, et en même temps, c'est là où vous devenez maire. Oui, pendant 2 ans où j'ai fait la scolarité à l'ESSEC, alors elle se faisait entre 2 et 4 ans, et j'étais très pressé de la finir au plus tôt. Donc j'ai tout fait en même temps. J'allais en cours, je travaillais. Est-ce qu'il y avait déjà à ce moment-là d'autres engagements ? Est-ce que, effectivement, familialement, vous étiez marié ? Non, vous étiez... pas du tout. J'étais célibataire. Vous avez démarré comme maire comme célibataire ? Oui. Eh bien, on découvrira la suite dans un instant. Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent. Que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Fadjet, un espace original, original d'expression et de dialogue. Voilà, une heure avec Thibaut Bazin qui, député de Meurthe-et-Moselle, non, député de la Nation, qui a accepté de venir passer une heure avec nous. On vient de défiler à marquante d'enjamber les 20 premières années avec des figures marquantes, à commencer par ses parents, puis ses deux frères et deux sœurs, c'est lui l'aîné, et puis ce désir à 8 ans de pouvoir s'engager. S'engager dans la vie politique, aller ressembler à ses adjoints qui viennent à l'école pour les travaux. Et puis cette première victoire, cette victoire quand on interroge un peu tout le monde pour savoir est-ce qu'on pourrait pas bouger les horaires et faire bouger les lignes, et puis ça a marché. Ça a marché, lui, parce que c'est un engagement personnel, et une équipe, parce que c'est pas tout seul, nous dit-il, qu'on arrive à gagner des combats comme celui-là. Et puis on l'a suivi rapidement jusqu'à Sciences Po, et puis on était, juste avant Louise Attac, on était avec cette question, mère à 23 ans, on va y revenir, mais je lui posais la question, est-ce que vous étiez déjà mariée? Et il me dit, quand on prend Louise Attac, bonne transition. Pourquoi bonne transition? Bonne transition parce que... je vais vous faire une autre confidence. Ma femme que je connais depuis assez longtemps, puisqu'en fait, on était dans la même ils ont regroupé les clochers, donc on était dans la même paroisse. Nos deux mères étaient d'ailleurs membres de la même équipe d'animation paroissiale. Et on s'était croisés un été, pas très loin de la période où je sors de Sciences Po. Et puis... on discute comme ça dans une soirée, et puis je dis, on n'était pas du tout ensemble. Je dis, moi, de toute façon, ma femme, plus tard, il ne faudra absolument pas qu'elle fasse de la politique. Elle m'avait répondu, moi, je ne me marierai jamais avec un blond. Et finalement, on s'est mariés ensemble. Et notre relation a pu se créer justement assez facilement, sans arrière-pensée, parce qu'on était persuadés qu'on ne pourrait jamais finir ensemble suite à cette discussion nocturne. Et 2 ans plus tard, on a cheminé ensemble et voilà. Et on s'est. Et pourquoi cette chanson est la bonne transition? C'est parce qu'on aime bien danser le rock ensemble. On aime bien la chanson française et danser un rock endiablé, on aime bien. Et le mariage, pas pour me faire plaisir parce que c'est une émission autour de l'engagement, c'est vraiment un engagement pour vous? Oui, alors avec un vrai questionnement personnel, c'est est-ce qu'on peut être engagé en politique et avoir une vie de famille? Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi les prêtres ne pouvaient pas se marier, parce qu'il faut une disponibilité de cœur et de temps à tout moment. Et c'est vrai que pour un élu, alors on n'est pas élu à vie, et tant mieux, c'est la différence fondamentale, mais on se doit d'avoir une disponibilité à tout moment. Je pense que quand j'étais maire, je pouvais être appelé en plein dimanche, en pleine nuit. J'ai le souvenir comme ça, un dimanche soir de janvier avec 3 voitures incendiées où j'ai dû me lever à 1h30 du matin et y aller. Ou pour des inondations, suivre toute une nuit. C'est quand même un engagement qui est au détriment de la vie familiale. Et j'ai pu comprendre comme ça les choses. Et cet engagement dans la politique, à un moment, il n'était pas très équilibré puisque quand j'étais jeune maire, j'étais capable de rester jusqu'à 1-2 heures du matin en mairie. Le dimanche après-midi, j'étais dans la mairie. Il n'y avait aucune limite. Et vous savez, pour bien se donner, il faut savoir parfois avoir des lieux pour se ressourcer. Et finalement, ma femme est arrivée au bon moment, puisqu'elle m'a permis de m'équilibrer aussi dans cet engagement. Et d'ailleurs, j'étais d'autant plus réceptif aux gens qui venaient et qui avaient besoin de moi, parce que j'avais aussi cet équilibre de vie. Toujours si c'est indiscret, vous ne me répondez pas, mais elle vous a déjà fait des reproches en disant « tu es trop pris par ton engagement politique ». Non, ses parents, oui. L'avantage, c'est que comme j'étais déjà engagé et qu'elle me connaît depuis longtemps, vu qu'on se connaissait quand moi j'avais une quinzaine d'années, elle 10 ans, on a 5 ans d'écart. On prenait le même train d'ailleurs, la fameuse ligne TER qui mène au collège et au lycée. Elle n'a pas été surprise, c'est pas comme quelqu'un qui s'engage après qu'il ait été marié. Moi, l'engagement, il était là. Ça fait partie, elle me soutient et c'est vrai que pour moi, c'est important aussi. D'ailleurs, à un moment, elle m'a dit « Mais tu adhères à un parti et tu m'oublies à chaque fois. » Elle s'est mise à adhérer toute seule pour pouvoir voter aussi au sein du parti pour choisir les candidats. Je trouvais ça rigolo. Donc, moi, je force personne et je lui impose rien. Elle a envie au départ, parce que vous n'êtes pas encore marié, et puis vous devenez maire. C'est un hasard, c'est un coup de bol, c'est un combat. Comment c'est arrivé, 23 ans? Vous aviez 23 ans quand vous êtes devenu maire. C'était attendu ou c'était pas attendu? Le soir des élections, vous vous y attendiez ou pas ? Alors vous savez, à l'époque, c'était un panachage. Alors, je suis devenu maire de Rosières-aux-Salines, commune de 2900 habitants. Vous avez des listes de 23 noms, et chacun a le droit d'entourer à l'époque, c'est plus le cas maintenant, n'importe quel nom. Donc chacun, à la fin, il n'y a aucun candidat qui a le même nombre de voix. Et on ne sait pas d'ailleurs si on a le nombre de voix minimum pour être élu dès le premier tour. Et on a connu le résultat final que vers 2h du matin. Vous imaginez l'attente entre 18h et 2h du matin. C'est pas comme un match de foot où la séance de tir au but, c'est intense, on stresse et puis au final on a le résultat. Là, et puis à chaque bulletin, quand les gens barrent votre nom, vous dites oh, ils m'aiment pas, c'est pas le même, c'est pas comme quand il y a une liste ou pas l'autre liste. Là, c'est vraiment je prends tout cela, mais pas celui-là. Mmh. Et, voilà. Et au final, je suis ressorti, je crois, avec 70% des voix. Le dernier de ma liste a été élu puisqu'il a obtenu plus de 50% des voix, mais on ne l'a su qu'à la fin. Mmh. Sinon, il y aurait eu un deuxième tour. Et dans l'équipe concurrente, il y avait des personnes de talent, puisqu'il y en a même à qui j'ai fait appel 6 ans plus tard dans ma deuxième liste municipale et qui sont même devenus des adjoints. Donc c'est assez comme quoi, vous savez, personne n'a le monopole des bonnes personnes. Mais j'ai aussi eu de la chance, on parlait tout à l'heure de ceux qui m'ont fait confiance alors que j'étais qu'enfant ou adolescent. Là, alors que j'avais 21 ans, j'ai des personnes qui étaient retraitées, qui étaient parfois d'anciens élus, des personnes qui avaient vécu une vie professionnelle ou qui étaient en train de la vivre, qui m'ont fait confiance. La première fois que vous avez été élu, c'est 21 ans ? 23. 23. Mais vous savez, quand vous montez une liste, moi j'ai mis 2 ans. Pour monter la liste ? Oui, avoir 23 personnes. Et alors que ce n'était pas obligatoire, j'ai fait la parité, hommes et femmes. J'ai même eu plus d'adjointes que d'adjoints. Et alors le résultat, honnêtement, vous vous y attendiez ou ça a été une surprise le premier soir ? La première élection ? Ça a été une surprise dans l'ampleur. 70%, moi je n'ai pas dormi pendant 2 jours. J'avais des, je sais pas comment exprimer, mais j'avais des sueurs froides parce que je me suis dit que l'attente était énorme. Puis vous avez été réélu 5 ans plus tard. 6 ans plus tard. Ans plus tard. Vous avez été réélu 6 ans plus tard. Surprise ou pas surprise ? 6 ans plus tard. Oui. Là, vous vous y attendiez ? J'étais plus confiant. Oui, parce que c'était parce qu'on avait beaucoup travaillé et qu'on voulait continuer. Il y avait beaucoup de projets engagés. Et puis vous savez, quand vous êtes en contact avec la population au quotidien, elle vous dit ce qui ne va pas et vous essayez de corriger, vous n'arrivez pas à tout faire mais... Ça vous a passionné d'être maire ? Ah oui, vraiment ? Une vraie école de vie. C'est alors, mon rêve d'enfance, c'était d'être maire, pas d'être député. Dans l'ordre que vous voulez, un échec et une réussite. Un échec comme maire, une réussite comme maire. Dans l'ordre que vous voulez, vous... Un échec comme maire, de manière assez franche, ça a été d'assurer la cohésion de l'équipe en totalité jusqu'au bout. Au tout début, la charge était tellement énorme. Il y avait des procès contre du personnel communal parce que mon prédécesseur avait fait un arrêté pour interdire le café. Il avait interdit les chevaux alors qu'on est à haras nationaux. Enfin, il y avait énormément de choses et j'ai donné moins de temps à ma propre équipe qu'à toutes les personnes en attente à l'extérieur. Et parfois, on a tendance à se donner en dehors de son premier cercle. Et je pense que dans les premiers mois, j'aurais dû donner un peu plus de temps. Une réussite... Ça a limité la cohésion de l'équipe, ça ? Bah, disons que j'ai eu 2 démissions dans la première année et ça m'a beaucoup marqué. C'est des personnes que j'apprécie, avec qui je suis toujours en contact. On se salue, on discute même. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui, mais je les ai vécus comme des échecs. Alors après, il ne faut pas y mettre trop d'orgueil. Mais alors la réussite ? La réussite, c'est une chose, c'est d'avoir sauvé la crèche et le périscolaire. Ça nous est tombé comme un cheveu sur la soupe un vendredi soir tard, assemblée générale de l'association qui gérait la crèche d'une 30aine de places et le périscolaire qui accueillait chaque midi 100 enfants. Le périscolaire, c'est quand on a quitté l'école et que des enfants ont quelque chose à faire dans le sein de l'école ? Non, parce qu'il y a la cantine aussi. C'est le matin avant l'école. La cantine ne fait pas partie du périscolaire. Si, tout était dedans, mais c'était confié à une association. Le matin avant l'école, le midi, une 100aine d'enfants, et le soir, plus les vacances et les mercredis. Est-ce que je comprends bien, c'est en particulier important pour vos administrés, pour des habitants d'une commune, c'est ceux qui vont travailler, qui veulent pouvoir déposer assez tôt avant d'aller au travail, et qui peuvent revenir paisiblement du boulot pour aller chercher leurs enfants. Clairement, quand vous avez, quand c'est votre enfant, c'est la prunelle de vos yeux, vous partez au travail. Si demain vous êtes pas, enfin si vous êtes pas sûr qu'à midi il soit pris en charge, sécurisé, bien alimenté, vous n'allez pas au boulot. Alors donc un vendredi soir, on apprend qu'ils sont en redressement judiciaire. Et là, l'association. Et les premiers échanges, on voit qu'on va aller vers la liquidation judiciaire. Alors, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, ça veut dire l'entreprise, elle est fichue, il faut tout arrêter. Elle a des dettes tellement importantes que la justice regarde si elle peut continuer ou pas. Donc, il y a une période de quelques semaines. Et si elle ne peut pas, ils arrêtent tout. Mais ça veut dire que tout est fini. Il n'y a plus de cantine, il n'y a plus d'activité. On n'accueille plus les enfants à 7h ou 7h30 du matin et on ne les garde pas jusqu'à 18h ou 18h30, c'est ça? C'est ça. Et là, le problème, c'est comment recréer quelque chose alors que la commune n'était pas propriétaire des bâtiments parce que c'était aussi une association qui l'avait. Et donc là, moi, j'ai passé des nuits, des week-ends. J'ai essayé de comprendre comment on crée une crèche, comment on crée un périscolaire, des réunions de crise à tout moment. Et là, on s'est battu et j'ai même été le plus loin possible. J'ai même réquisitionné du personnel. Et réquisitionner le bâtiment. Je ne sais pas si vous imaginez prendre un arrêté de réquisition. Réquisition, ça veut dire on vous impose de nous prêter ce bâtiment, de nous louer ce bâtiment-là. Oui. Et moi, monsieur le maire, je réquisitionne la personne. Par exemple, la directrice qui allait perdre son emploi, comme elle était représentante du personnel, elle ne pouvait pas être embauchée tout de suite. Et donc, il y avait 15 jours de battement. Sauf que moi, si je voulais recréer une structure le lendemain pour que les parents aient une solution, j'aurais été obligé de recruter une autre directrice, puisqu'elle, elle n'était pas recrutable tout de suite. Et moi, d'un point de vue humain, je ne voulais pas que ça soit une autre personne. Je voulais sauver les emplois de ceux qui étaient là. Donc, j'ai réquisitionné cette personne pour pouvoir la sauver. Ce qui est quand même assez surréaliste sur la base d'une loi du 19e siècle. Alors, est-ce que ça... vous, Thibault Bazin, c'est vous qui l'avez inventé, c'est une équipe pour de vrai, hein. Ça peut être vous, hein. C'est pas un mal, c'est vous, c'est une équipe, c'est votre adjointe à la petite enfance ou je sais pas, comment ça s'est passé ce travail d'équipe? On est mauvais juge pour soi-même, j'ai tout de suite voulu associer notamment mon adjoint aux finances et la directrice générale des services, parce que parfois quand on a des idées et qu'on veut se battre et qu'on a tellement peur que ça tombe, on peut partir dans le mur, et donc moi j'avais besoin de vérifier que je me plantais pas. Vous savez, quand vous faites un tableau et que vous essayez de compter pour voir si ça va financièrement... Et là, il y a une équipe qui a joué, pour de vrai. Et bien derrière, ils m'ont fait confiance. L'équipe a joué par la confiance et non pas d'abord par le fait, allez, on veille ensemble et on va chercher la bonne solution. Ils m'ont suivi, parce que c'est vrai que moi, j'ai plutôt un tempérament hyperactif. Et j'avais tendance à vraiment... j'arrive pas à dormir, donc je me mets à préparer le plan de bataille. Et le lendemain, je leur dis, on se retrouve à 8h30, et là, je leur présente le plan de bataille. Mais ce qui était important, c'est que, je me rappellerai toujours, j'ai vu le préfet le 24 décembre, le 2 janvier et le 1er mai pour cette affaire. C'est-à-dire que j'ai découvert des services de l'État, le directeur de la cohésion sociale, la CAF, à des heures et des jours incroyables. Cette capacité qu'on peut avoir, parce qu'on se plaint toujours, mais à pouvoir trouver des solutions quand on est face à une crise. Et ça a tenu. Et on a sauvé et la structure se porte bien aujourd'hui. You're not Faites le plein de bonnes ondes avec Fadjet. Voilà une heure avec troisième partie de notre émission avec notre invité Thibaut Bazin, député qui a accepté de venir partager tout simplement son histoire d'engagement. Gamin, la famille, l'école, les premières réussites, les premiers échecs, et puis cette commune de Rosières-aux-Salines auquel il est attaché, et puis cette élection tellement bien accueillie par toute une équipe jusqu'à la dernière. Jusqu'à 2h du matin, mais il y a eu d'autres nuits difficiles quand il y a eu des combats à mener, en particulier pour le périscolaire et la petite enfance. Voilà, on en est là, mais juste avant d'aller suivre monsieur le député un peu et sur le territoire de la République et à Paris, pourquoi cette chanson ? On est en pleine Coupe du Monde. On est avec Gloria. Oui, Gloria Gaynor a eu le Survive. On est en pleine Coupe du Monde et en 98, moi j'avais 14 ans. Et j'avais vécu le traumatisme de 94 parce que mon papa m'avait emmené au Parc des Princes vivre les deux derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Et les derniers matchs, il nous fallait plus qu'un seul point. Et on a perdu les deux matchs. Et ça m'avait traumatisé parce que j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup la France. Et cette France qui gagne, cette France qui réussit, je suis un peu chauvin, ça, c'était important de pouvoir le... Et alors ça me fait penser à ces JMJ, j'étais au JMJ. Journée mondiale de la jeunesse. Hein. J'ai fait Rome, j'ai fait Toronto, Cologne et Madrid. C'est des grandes rencontres mondiales de jeunes organisées par le pape. J'ai ce souvenir, alors ça n'a rien de très religieux, mais... Quand on est dans le métro à Rome et qu'on entonne la Marseillaise et que tous les Français l'entonnent, c'est des souvenirs incroyables. Et alors donc, pourquoi Gloria ? Parce que je pense qu'on a besoin d'élan et que, notamment nous les jeunes, on a besoin d'être confirmés dans cette volonté de réussir. Et on a besoin d'être soudés. Et cette chanson, ça a été la chanson qui a mobilisé une équipe qui n'était peut-être pas la plus talentueuse en 98. Mais qui a affronté peut-être des titans, je pense au Brésil, mais qui a cru par la volonté, par l'esprit collectif où ils se sont serrés les coudes et quand parfois les attaquants n'arrivaient pas à marquer, les défenseurs y ont été, comme Laurent Blanc. Et je me suis dit que là, en plein contexte où on a la Coupe du Monde en Russie, on devait croire en notre pays parce qu'on est souvent la France, mais voilà. Là, il y a des gens qui ont cru en vous, qui vous ont fait devenir maire. Et puis, il y a un deuxième mandat. Et alors, pourquoi pas être resté maire ? Pourquoi être parti à Paris alors que vous étiez bien promis de ne jamais y aller ? Alors, je n'étais pas pressé. Pourquoi député ? Comment ça s'est fait ? Je pense que, alors, vu de l'extérieur, les gens me disaient, mais c'était prévu depuis longtemps. Pas pour moi. En plus, j'attendais ma troisième fille le 4 juillet. Donc, vous imaginez... J'ai deux filles qui ont aujourd'hui 5 ans et demi et 4 ans et une qui va bientôt avoir un an. Quand je me suis présenté aux élections législatives, c'était pas trop dans l'air du temps. J'ai pas couru après toutes les élections. Quand j'étais élu maire, je me suis pas présenté au régional qui suivait, je me suis pas présenté au cantonal qui suivait. Et puis je me suis marié avec Violaine en 2011. On s'est marié d'ailleurs pour la Saint-Joseph parce que c'est le patron des Saint-Patron des travailleurs, donc c'était important. Le 19 mars, on croit beaucoup aux symboles. Vous allez vous. Oui, et on s'est fiancé à la Sainte Famille. voilà. Parce qu'on a besoin quand même, on a besoin des autres et on a besoin d'être sous la bénédiction. Et alors, député. Et député, mon député sortant, Jacques Lamblin, est venu me voir en disant « j'ai pensé à toi comme suppléant en 2012 ». Enfin, fin 2011, il est venu m'en parler. Moi, j'avais pas du tout. J'y pensais pas. Je pensais qu'il devait avoir une femme. Et je pensais qu'il y en avait plein qui étaient beaucoup plus conseillers généraux, conseillers régionaux. Puis il m'a demandé. Alors, je suis revenu à la maison. J'ai dit à Violaine qu'est-ce qu'elle en pense. Il m'a dit mais tu peux pas refuser. Appelle-le tout de suite pour dire oui. Ce que j'ai fait. Et puis après, bon, les choses se sont faites progressivement. Et avec la loi sur le non-cumul des mandats maire-député, moi, j'espérais qu'on puisse revenir pour les petites communes en disant mais qu'un seul mandat, que maire, pas la com-com, le débat. Donc, j'espérais ça. Et puis, au final, la majorité qui a été élue n'a pas voulu revenir là-dessus. Et j'étais contraint d'abandonner mon mandat de maire. Je l'ai fait. Dur, ça. Oui. Oui, et en même temps, je l'ai vécu avec un grand détachement, dans le sens où je ne voulais pas porter préjudice à l'équipe qui allait rester pour mettre en œuvre ce qu'on avait initié. Donc je ne suis pas resté membre du conseil municipal, pour ne pas être celui qui garde son bureau. S'ils ont besoin de moi, ils me contactent. Mais dans ce sens-là, ce n'est pas moi qui leur dis de faire ça. Vous manque. Ça. Je ne veux pas me poser la question. Et est-ce que Paris, c'est difficile d'être... de trouver ses marques comme jeune député, au bout d'un an, ça y est, on s'y retrouve. Oui, au tout début, comme ils croyaient que les huissiers ne savaient pas si on était député ou pas, ou si on était collaborateur, ils me disaient, monsieur, vous ne pouvez pas passer par là. Je dis, si, je suis député, alors je ressortais mon badge. Alors maintenant, je garde mon badge autour du cou comme un enfant, parce que c'est vrai qu'on avait les images de député ne correspondaient pas forcément à l'âge qu'on a. Et à 33 ans aujourd'hui, on n'est pas forcément vu comme ça. C'est une très grande maison, avec ses codes, ses règles, qui n'est pas forcément compréhensible. Et donc moi, j'ai voulu beaucoup m'y investir pour pouvoir être efficace là-bas. Parce que si c'est pour ne servir à rien, on tente de ne pas y aller. Qu'est-ce qui est le plus dur et qu'est-ce qui est le plus passionnant? Dans l'ordre pareil, que vous voulez, le plus dur et le plus passionnant comme député. Allez, au bout d'un an, on vous réinvitera et vous nous direz au bout de 25 ans qu'est-ce que ça donne, mais au bout d'un an. Le plus dur, c'est de renoncer. C'est-à-dire on a beaucoup de sollicitations. Moi, j'ai dans un week-end, je peux avoir 3-4 invitations à la même heure. Dans la semaine, j'ai des sollicitations tout le temps. Alors, c'est vrai sur le territoire, et c'est vrai aussi à Paris où... il y a parfois 7 commissions qui m'intéressent en même temps et dans l'hémicycle, il y a un texte qui m'intéresse. Et c'est très difficile d'accepter, je vais aller en commission m'occuper de l'agriculture, mais je ne serai pas dans l'hémicycle pour parler d'asile et immigration, alors que c'est un texte dont tout le monde parle. Il y a un domaine où votre groupe vous a demandé, où vous vous êtes mis d'accord avec votre groupe, où là, vous vous investissez, vous, Thibault Lamblin, on n'a aucun lien de famille d'ailleurs. Oui, oui. Thibault Bazin. Certains le voient comme le père politique. On a besoin de père. Oui, comment est-ce que vous. Le groupe. Le dossier qui vous tient le plus à cœur. Alors, moi, mon fil rouge, c'est l'équité. Je me bats contre l'iniquité territoriale et contre l'iniquité sociale. Mais pour répondre à votre question... Alors l'iniquité, pour nos auditeurs, ça veut dire c'est ce qui permet aux gens d'être égaux, les uns et les autres? Pas exactement. C'est la différence entre l'égalité et l'équité. C'est qu'à un moment, vous pouvez... Que ça soit juste, que ça soit droit? Oui, par exemple, on prend 3 enfants qui sont en train de regarder, qui voudraient regarder du saut d'obstacle de chevaux. Ils n'ont pas la même taille. Si on leur met à chacun le même tabouret, ce serait l'égalité. Ça répondrait pas forcément. Peut-être que le plus petit ne verrait toujours pas, mais le plus grand qui n'avait pas besoin de tabouret serait même trop haut et ce serait même dangereux pour lui. D'avoir 3 tabourets de taille différente, mais équitable pour qu'ils puissent voir tous les 3 au-dessus de la barrière pour bien voir le spectacle. Mais ça veut dire que c'est tous les sujets. Et que ce soit politique étrangère, les finances. Mais c'est pour ça que moi je me balade dans toutes les commissions. Territoires. D'accord. Moi je me balade dans toutes les commissions parce que je ne veux pas être cloisonné à un sujet. Je ne veux pas être. Pas un spécialiste. Si, j'essaye d'être... C'est-à-dire, quand j'entre dans un sujet, je le travaille à fond, parce que moi, je crois beaucoup plus au fond qu'à la forme. Vous savez, on peut être acteur de théâtre, mais à un moment, on ne peut pas jouer tous les registres. Là, moi, je crois qu'il faut être sincère dans l'engagement et essayer de travailler un sujet. Et mon groupe politique m'a demandé, il y a quelques semaines, de suivre tout le projet de loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Le numérique, tout ce qui est... Pour l'instant, c'est bien ici sur Fazette, tout ce qui va nous permettre de rentrer dans ces nouvelles technologies du futur. Au sens large, et c'est vrai, alors ça peut être de l'accès à la téléphonie mobile. On a plein de communes qui, heureusement, peuvent capter Fazette, mais peut-être que les jeunes qui nous écoutent ont des problèmes pour capter avec leur téléphone portable dans leur commune. C'est les problèmes d'accès à Internet. De surcharge du réseau, mais même au-delà, c'est tout ce qui va être le fait qu'on va vous prendre vos données. Vous êtes sur Facebook, qu'est-ce que Facebook va faire de vos données personnelles? Est-ce qu'ils vont les vendre? Est-ce que, voilà, et tout ça, c'est le numérique. Le numérique, juste un clin d'œil à des auditeurs qui ont prévenu Fabienne, la directrice de la radio, c'est que nous sommes écoutés tous les 3e mardis de chaque mois en direct de la prison des mineurs de Marois au Cameroun. Ça, c'est le numérique qui permet ça. C'est le numérique. c'est le numérique. Alors j'ai d'ailleurs des engagements à l'Assemblée nationale. Je suis président du groupe d'amitié France-Tchad et vice-président du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire. D'accord, on reparlera du Cameroun alors. Oui, et je suis membre de l'Assemblée de la francophonie. Et alors, cette passion pour l'équité, et vous avez bien expliqué, ce n'est pas forcément l'égalité, c'est que chacun puisse trouver, en fonction de ce qu'il est, qu'il puisse trouver sa place, et dans tous les domaines, c'est tout ce qui va être le numérique, c'est, on vient de vous entendre, l'international. Qu'est-ce qui vous tient encore à cœur, qui vous tient vraiment à cœur en vous disant, comme député, j'ai envie d'apporter ma pierre dans tel et tel domaine? Moi, je suis beaucoup sur les besoins fondamentaux. On a besoin de se nourrir. Donc, l'agriculture, l'alimentation, c'est important. On a besoin de se loger. Ça, c'est très important. On a besoin d'avoir un travail pour pouvoir s'épanouir. Et on a besoin de se soigner. Et donc, sur ces... Et le « on », c'est les Français ou les... le « on », c'est le peuple du monde? Alors, je suis député de la nation. Ma préoccupation, c'est ceux qui m'ont déjà élu, je vous le dis sincèrement, c'est déjà de porter leur voix, qui est pas d'oublier. Et moi, il y en a plein qui ne croient plus en la politique parce qu'ils ont l'impression que les politiques, ils s'intéressent pas à eux et pas à leurs problèmes. Ben, moi, c'est donnez-moi votre problème et je vais essayer de me battre pour trouver des solutions. J'ai trouvé un logement pour une personne, une maman qui a perdu son mari et qui a deux enfants en bas âge. Ça, c'est un sujet concret. J'ai une personne qui était à la retraite et ça faisait 4 mois. Elle ne pouvait pas toucher sa retraite pour des problèmes administratifs. Ce qui est quand même fou, c'est de se dire qu'il faut qu'elle en arrive à aller voir un député pour qu'il écrive pour que sa retraite soit débloquée. Est-ce que c'est l'engagement comme député, là encore pas pour me faire plaisir, hein, est-ce que l'engagement comme député, c'est un engagement en équipe? Oui, tout seul, on ne peut rien. Le groupe joue, ou l'équipe autour de vous, oui. Le collaborateur parlementaire, comment se joue l'équipe? La première équipe, c'est l'équipe familiale. C'est-à-dire, si moi, j'ai pas mon épouse qui me soutient au quotidien de manière générale, c'est pas possible. L'équipe parlementaire, parce que tout seul, 190 communes, 131 000 habitants, comment vous voulez un député à l'écoute? S'il a que 2 oreilles, il en entend moins que s'il en a 8 ou 10. Mm-hmm. C'est la même chose pour tous les sujets. On peut pas être tout seul. Maintenant, c'est comment on a une capacité. J'ai plein de messages qui arrivent, plein de personnes qui ont besoin de moi. Qui le disent à mes collaborateurs ou à des soutiens ou des bénévoles ou des sympathisants, comment je fais moi à mon niveau pour pouvoir porter leur voix et qu'ils puissent avoir une solution à leurs problèmes. Est-ce que ça arrive que vos deux grandes, je ne parle pas de la petite qui vient de naître il y a un an, mais vos deux grandes vous disent « Papa, on ne te voit pas assez » Je vais vous faire une autre confidence. C'est vraiment l'émission des confidences. Hein. Ma première fille, Ombline, le lendemain de mon élection, j'étais tout heureux, tout soulagé. En plus, au sortir du premier tour, personne ne donnait cher de ma peau. Elle pleurait le matin. Et elle se lève de bonne heure. Mes filles se lèvent avant 7h du matin, parfois même à 6h. Elle pleurait. Et je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Je veux pas que tu partes. Et j'ai dit, comment ça? Ah oui, tu es député, tu vas plus être maire. Moi, je veux que tu restes maire parce que tu vas nous quitter. J'ai dit, mais non, je vais pas vous quitter. Mais si, tu vas aller à Paris. Et j'ai trouvé ça, c'était la bonne alerte au bon moment. Alors depuis, j'ai expliqué. Je les ai emmenés une fois pour qu'elles voient. C'est pas facile d'expliquer le métier de député. Parce que c'est un métier où on parle beaucoup. Et pour les enfants, leur expliquer un métier où on parle beaucoup, c'est compliqué. Mais c'est, j'essaye de leur expliquer pourquoi je suis là et à quoi ça sert. Mais c'est pas évident. Dimanche, vous avez eu le temps de faire la fête des pères? Oui, elles m'ont fait la fête. Mais je suis rentré, vous voulez savoir ma journée de dimanche, je suis parti à des commémorations, il était 8h40, je suis rentré à la maison à 13h15 et je suis reparti parce que j'avais un festival d'artistes et ensuite des remises de coupe. Donc je suis reparti à 14h et je suis rentré, il était quasiment 18h30. Mais il y a eu tout de même bonne fête papa. Oui, de 13h10 à 14h30. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. D'où nous l'ont écrit, car dans la nuit tout s'efface. Écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On pas oublier pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Partageons nos passions sur Fadjet. Une heure avec dernière ligne droite. On écrit sur les murs. On demandera tout à l'heure à Thibaut Bazin s'il écrit sur les murs Violaine, sa femme. Sur les murs, ses trois enfants, Omblin et les autres. S'il écrit tous les habitants de Rosière-Rosaline ou tous les habitants de la nation française, puis peut-être avec l'amitié avec l'Otchad et d'autres pays. Bon, on verra. Et puis, je dis on verra parce que c'est plus lui qui a la parole. C'est Aymeric. C'est toi, Aymeric. T'écoutes depuis le début notre député et t'as la parole pour réagir, coup de gueule, question, réaction, ce que tu veux. À toi de jouer. D'abord, bonjour. Vous êtes un fier représentant de la jeunesse, vous n'avez que 33 ans et une fois n'est pas coutume dans cette émission, vous venez un peu casser un peu pour les jeunes les idées qu'on a de la politique, où on voit souvent des cinquantenaires, voire des plus vieux, et vous n'avez que 33 ans, vous êtes député, donc engagé politiquement, donc très jeune, très tôt, depuis vos 8 ans, en tout cas en engagement citoyen et social auprès de vos camarades de classe. Le fait d'avoir changé les horaires aussi au collège, c'est très fort. Autre engagement aussi qui me parle à moi, c'est l'engagement sportif avec la création d'une section judo. L'engagement auprès de la... Vous avez parlé d'une remise de coupe. L'engagement auprès du stade de foot, voir les adjoints de votre commune qui venaient au stade, ça vous a marqué aussi. C'est des choses qui... Voilà, on ne se rend pas compte, mais... L'engagement sportif aussi peut mener à un engagement plus profond, plus politique, plus social, vers à une grande échelle. Et j'avais une question, est-ce que plus tard vous avez comme futur objectif d'être engagé sportivement à très grande échelle dans une fédération ou voire même dans l'État français? Juste avant de laisser la parole à Thibaut Bazin pour répondre, je voudrais dire merci Aymeric. C'est pas la première fois. Mais qu'est-ce que tu écoutes bien? Ta manière d'écouter et de pouvoir, y compris intégrer comme ça, les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Thibaut Bazin, Aymeric vient de réagir et il vous a reposé une question très claire. Après être député, il y a encore une vie? Et puis le sport, y a-t-il encore? Je vais en profiter pour vous remercier pour l'invitation, Père Guy, et puis remercier pour ce retour, Aymeric. Moi, j'essaye de vivre mon engagement présent et je ne me suis pas projeté. Je renonce à beaucoup de choses, et notamment au sport, que j'aime beaucoup. Est-ce que demain, je continuerai à m'engager? Si je suis plus engagé en politique, est-ce que je m'engagerai différemment? Oui, je pense, parce que quand on a un tempérament à se donner, on ne se change pas. J'ai plein de projets. D'ailleurs, je dis souvent à ma femme, je ferai ça pendant ma retraite. Et elle rigole? Oui, elle rigole parce qu'on additionne, mais bon, elle connaît mon tempérament. Au niveau politique, est-ce que je m'engagerai à un autre niveau? Si, vous savez, il faut vivre chaque jour présent. et pas forcément se projeter. Les choses se construisent progressivement. Voilà, moi j'ai pas de. L'important c'est de pouvoir être utile, rester libre. Alors maintenant que j'ai plus de boulot à côté, on n'en a pas parlé, mais je dépends de la politique. Est-ce que ça veut dire que c'est un fil à la patte ? En tout cas, c'est plus comme quand j'étais maire et que j'avais un boulot à côté à mi-temps. Aujourd'hui, je suis pleinement engagé, donc c'est à la fois. C'est un abandon. C'est un abandon. Maintenant, je me donne à fond, pleinement, entièrement. Et je suis abandonné, j'allais dire, à ceux qui me jugeront. Et demain, c'est eux qui diront, bah, on veut continuer à vous faire confiance ou pas. Et je vivrai les choses de manière très détachée, puisque ce ne sera pas moi qui décidera. En vous rasant ou non le matin, est-ce que ça vous arrive, là c'est un clin d'œil à Nicolas Sarkozy, est-ce que ça vous arrive de penser à un ministère ou de penser à une responsabilité ministérielle ? Pas du tout. Pas du tout. Quand je me rase le matin, je pense à ce que mes filles sont en train de faire quand je les ai laissées toutes seules gambader, sachant que la dernière commence à marcher à quatre pattes, et je me demande si j'ai déjà fermé les barrières ou pas. Plus sérieusement, je crois qu'il y a déjà beaucoup à faire dans mon petit rôle de député, et si je peux continuer à essayer de solutionner des petits problèmes et travailler les sujets de fond, peut-être que plus de personnes croiront à la politique. Est-ce qu'il y a une personne, femme ou homme, et dernier visage de l'émission, est-ce qu'il y a une personne, femme ou homme, de la vie politique française qui ne partage pas votre couleur politique, comme on dit, mais que vous admirez ? Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Un visage, donnez-nous un visage. Un visage. Comme ça, là, j'en ai plein, mais j'ai des personnes comme ça qui sont dans les environs et qui sont de beaux témoignages. Je pense notamment à des élus locaux qui partagent pas du tout ma sensibilité et qui sont dans le service au quotidien et qui sont admirables. Merci beaucoup, Thibault Bazin. Voilà, c'était une heure avec bien remplie. On a les dernières secondes. Merci à Thibault Bazin d'être venu. Merci à Aymeric d'avoir réagi. Merci à Yves d'avoir réalisé cette émission. À très bientôt. On se retrouve en septembre. Et très bel été à vous tous.